Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées les 14 et 15 courants dans divers pays. La télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong, les journaux hongkongais Takongbao et Wenxibao, les réseaux publics et radio internationales de Chine, l'agence de presse japonaise Gyodo et le journal sénégalais Le Populaire ont présenté que le maréchal Kim Jong-un a visité l'Institut de l'architecture Paektusan. Le homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections a fait part avec cette nouvelle de sa visite à la fabrique de cuir synthétique de Pyongyang, alors que le journal népalais Arfan et les homepages d'Internet de l'Association des journalistes népalais et de l'Association des journalistes népalais d'études des Ejutsu et de la politique de Sungun ont informé de son inspection du centre d'élevage de cistudes de Pyongyang, transformé en exemplaire et standard des centres agricoles du pays. Les médias ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.